La Malle de Sinbad sur Radio Culture Dijon. Une émission préparée et présentée par Sébastien et Manon à la technique. Informations, bibliographie et podcast sur le site internet de Radio Culture. Bonjour Sébastien, donc tu es de nouveau de retour dans la Malle de Sinbad avec nous. On était parti sur un premier épisode qui faisait le récapitulatif un petit peu des épreuves et des voyages qu'avait fait Sinbad. Et donc aujourd'hui, nous allons commencer par le cinquième voyage qui s'appelle « Vivre ses parasités ». Tout à fait. Donc bonjour Manon. Alors effectivement, on a essayé dans une première partie de voir un petit peu, et bien que ces voyages, quand on se détache un petit peu de la pure trame narrative, on peut y trouver également eh bien, une manière d'initiation. Et donc, on va essayer de continuer justement sur cette voie en étudiant aujourd'hui donc cet épisode assez intéressant où il y a la rencontre de Sinbad et ce vieux de la mer. Et là, c'est la figure tout à fait du parasite. Alors, le parasite, c'est une figure qui est assez connue dans la littérature arabe classique. On l'appelle le Tufayli. Et il s'agit tout simplement d'un pique-assiette. Voilà, il s'agit donc d'un personnage qui va par tous les moyens, par toutes les ruses, se trouver invité à un repas, à un banquet par exemple, et qui va en profiter tout simplement pour, de manière extrêmement vulgaire, eh bien, s'alimenter. Donc on est un peu aux antipodes de ce qu'on avait pu dire sur le banquet, qui était beaucoup plus eh bien, rassembleur. Une occasion, voilà, qui était rassembleur. Là, au contraire, il n'est là que pour se s'emplir la panse, voilà. Et donc, on va essayer de voir ici que dans les voyages de Sinbad, il y a à chaque fois des questions qui sont posées du point de vue de la morale. Ici, c'est le fait de voir que le mal peut triompher. Et quand on se reporte à cette rencontre entre Sinbad et le vieux de la mer, Sinbad, au départ, pense simplement faire une bonne action. Mmh. Voilà, un vieillard qui lui demande de l'aider à traverser tout simplement une rivière. Se dit, bon, peut-être d'ailleurs que j'y gagnerai quelque chose. Donc, il est toujours un petit peu intéressé. Ouais. Il ne peut pas s'en empêcher. Mais ça part quand même, c'est l'idée du marouf, c'est quand même l'idée de la bonne action. Or, il s'aperçoit effectivement que ce vieux est un parasite de la pire espèce qui soit. Et donc, Sinbad n'arrive pas à s'en débarrasser. Ou plutôt que pour s'en débarrasser, il va devoir l'enivrer. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'il faudra un mâle pour se délivrer d'un mâle. Puisqu'on peut parfaitement considérer que la consommation d'alcool, que l'ivresse, est un mal. Et là, encore une fois, eh bien, ces voyages de Sinbad nous montrent une certaine ambivalence. C'est d'ailleurs ce qui les rend extrêmement intéressants, puisqu'il ne faut pas prendre forcément le mal pour un absolu, mais au contraire, raisonner également avec une certaine pragmatique en situation. D'ailleurs, on se souvient aussi que dans le Coran, eh bien, il y a des attitudes différentes par rapport à l'alcool. On a trois grands versets souvent qui sont cités. Et on va, en général, eh bien, de versets qui montrent qu'il y a des bienfaits et des méfaits dans l'alcool à des versets qui, au contraire, condamnent absolument et catégoriquement la consommation d'alcool. De la même manière ici, eh bien, il y a une certaine souplesse dans le personnage puisqu'il va être capable, encore une fois, de vaincre finalement ce parasite par l'usage d'un mal, en tout cas d'un vice. Donc, ce qu'on peut résumer de ce voyage-là, c'est que une bonne action que fait Sinbad n'est pas forcément bien récompensée. Tout à fait. Et ça, c'est assez original. C'est assez original et en même temps, quand on y réfléchit, quand on se reporte par exemple à la 18e sourate du Coran, donc la caverne, il y a quelque chose d'assez semblable, puisqu'on nous raconte l'histoire d'un Moïse, d'un Moussa, qui va être initié par un serviteur de Dieu. En général, les commentateurs parlent d'un personnage qui est le Khidr, l'homme vert, donc un grand initiateur, notamment auprès des soufis. Et Eh bien, cette initiation consiste tout simplement en un accompagnement. Moïse donc va accompagner ce personnage-là. Et à chaque fois, il va être confronté à une mauvaise action, voire à des crimes, commis par l'initiateur. Il ne les comprend pas, à chaque fois il les conteste, et à chaque fois, eh bien, l'initiateur lui rappelle qu'il s'était engagé à conserver le silence, c'est-à-dire à être capable de réfléchir et ne pas réagir. Et à chaque fois, eh bien, les crimes qui consistent à saborder un bateau, tuer un enfant, ou redresser un mur dans un village où ils avaient été extrêmement accueillis, eh bien, à chaque fois, ils trouveront a posteriori, dans le temps, hein, c'est l'idée d'un décret divin, eh bien, ils trouveront une justification. Mais cela suppose évidemment une distance par rapport à l'acte initial. Et une réflexion. Et là, effectivement, on retrouve cette idée de faire d'un mal un bien. Alors, si on continue sur les traces de Sinbad, on arrive au sixième voyage qui s'appelle « Vivre, c'est échanger ». Alors là, on a un Sinbad donc, qui est un marchand, et les marchands cherchent les trésors. Et dans cet épisode, eh bien, dans ce voyage, Sinbad va se trouver un petit peu dans la situation de Midas, c'est-à-dire le paradoxe de la richesse. Voilà. Il se retrouve donc sur une île et cette île regorge de trésors. Il y en a absolument partout, mais il n'y a que cela. Il n'y a que des trésors. Et finalement, ce qui attend Sinbad et ses compagnons marchands, c'est la mort. C'est une mort donc minérale, hein. Donc on n'a pas l'élément animal ou végétal qui permet justement eh bien de s'alimenter et de vivre. On a uniquement l'élément minéral et aucune transformation donc possible. Encore une fois, s'alimenter, c'est eh bien transformer donc des, eh bien de soit des éléments végétaux, soit animaux. Là, il n'y a pas de vie et on le sait, l'or d'ailleurs ne se dégrade pas. Il ne se dégrade pas, mais il ne se consomme pas. Et finalement, le désir du marchand, qui est un désir extrêmement fort, le désir de richesse, c'est d'ailleurs lui qui est le moteur de chaque départ. À chaque fois, Sinbad s'est juré de ne pas repartir, jamais plus on ne l'y prendrait. Et à chaque fois, il repart, et à chaque fois, il va à la chasse aux trésors. Et là, les trésors, il n'y a que cela. Mais, bien entendu, le pendant, ou en tout cas le revers de la médaille, c'est l'impasse de la thésaurisation. Il n'y a que du trésor, et comme il n'y a que du trésor, eh bien, on se retrouve face, finalement, à ce paradoxe ultime de la monnaie, ou de la richesse, parce qu'elle n'a de valeur que dans sa capacité à s'échanger. S'il n'y a pas de marchandises ou de services qui peuvent être monnayés, eh bien, la monnaie n'a plus de valeur. Elle n'a, en tout cas, absolument plus de raison sociale. Et ça montre bien aussi cette critique qui est quand même, je pense, en tout cas, sous-jacente dans les récits de voyage de Sinbad, qui est cette critique de la thésaurisation absolue, la critique effectivement, qui est une critique très ancienne. On la retrouve dans l'éthique à Nicomaque d'Aristote. Eh bien, effectivement, on peut s'enrichir pour faire vivre sa famille, son oikos, ou en tout cas ses gens, mais l'argent pour l'argent est totalement critiqué dans les civilisations antiques. C'est également ici, en matière de réflexion économique, une parabole qui est offerte. Si on se rappelle également la ville de cuivre, où il y a des trésors innombrables, ce qui guette eh bien, les visiteurs de la ville de cuivre, c'est la folie, c'est la mort. Oui, parce qu'on est en plein désert et il y a beau avoir de la richesse, on n'a pas de nourriture, pas d'eau, donc rien pour que l'homme puisse survivre. Exactement. Et donc, eh bien, d'ailleurs, c'est très intéressant, on vient juste d'évoquer l'eau. Quelle est la seule eau disponible sur l'île ? C'est une rivière inversée. C'est de l'eau de mer qui s'engouffre donc dans un espace donc qui rentre sous la terre et donc de l'eau de mer donc absolument imbuvable et c'est en s'embarquant donc sur un radeau de fortune et en se laissant donc aller en rentrant finalement donc dans la terre que Sinbad va pouvoir s'en sortir. Et donc il va revivre un petit peu ce phénomène de renouveau renaissance. Exactement. Il devra donc quitter finalement cette quête absolument assoiffée, enfin, cette folie des trésors pour justement s'en sortir. Et donc effectivement, dans cet épisode absolument fondamental, la leçon à retenir, c'est que vivre, c'est échanger. Mmh. Et si on continue avec le septième voyage, un voyage assez surprenant puisque Simbad se met au service des hommes. Oui, oui, c'est effectivement quelque part l'aboutissement. On a bien compris que les voyages précédents montraient l'impasse d'un comportement totalement individualiste, totalement finalement associable, de ce marchand qui ne pense qu'à l'étalon argent et qui à chaque fois se retrouve face à cette limite. De sa folie, de son hubris qui est sans fin. Ici, il se met au service d'eux, il va devoir donc faire un don de sa personne pour la première fois. Alors il se met au service, on se souvient, du roi de Serendib, il se mettra plus tard, sous la forme d'une ambassade, au service du calife, il se met dans certaines versions du septième voyage au service de son maître, puisqu'il a été réduit en esclavage. Donc à chaque fois, il va travailler pour d'autres. Et là, c'est également une leçon de vie, puisque cela montre que l'utilité sociale, du point de vue du travail, elle est également à comprendre comme insérée dans un réseau d'échanges, à la différence du parasite. Et là, on a complètement un retournement de statut social, puisque de marchand, de riche marchand, il devient esclave. Tout à fait. Ou en tout cas, il va se retrouver finalement à devoir quitter sa condition uniquement matériel pour, c'est d'ailleurs avec cela que culminent les voyages, avec ce voyage ultime, il va rencontrer un certain nombre de mystères. En tout cas, il va les côtoyer. Alors, selon les versions, on a par exemple le cimetière des éléphants. Quand il est donc chargé par son maître d'aller à la chasse aux éléphants, par le hasard en fait d'une chasse, il va découvrir ce fameux cimetière. Et qu'est-ce que c'est finalement qu'un cimetière des éléphants ? C'est un peu, en termes de métaphore, un calvaire qui est choisi. C'est le dernier trajet qui va être suivi par quelqu'un qui se sait proche de la mort. Et il va donc refaire comme le font les éléphants, il va refaire ce trajet. Et arrivé donc dans cet immense cimetière, eh bien la vue des ossements, quelque part, déclenche une réflexion. C'est exactement le même dispositif, qu'on y réfléchisse du point de vue de l'ossement, que ce que l'on trouve dans les vanités à l'époque de la Renaissance. On a exactement des dispositifs analogues, donc qui remettent en cause des vies uniquement basées sur, on va dire, l'ici-bas, ou en tout cas sur l'accumulation matérielle. Autre mystère qu'il rencontre, ce sont ces hommes volants. Il est effectivement très troublé, ça c'est une autre version du septième voyage, par le fait qu'à certains moments, eh bien, dans la ville où il est arrivé, les hommes peuvent échapper à leurs conditions, ils peuvent s'envoler. Hein, c'est un vieux rêve, évidemment, on a Icare. Et ici, il s'agit quand même de rappeler à Sinbad eh bien, que c'est une ultime folie, puisqu'on n'échappe pas à sa condition. Ces hommes volants, en quelque sorte, d'un point de vue moral, ou en tout cas c'est comme ça que c'est présenté dans l'histoire, sont du côté des démons. C'est-à-dire que sortir eh bien, de sa condition, comme le fait Sinbad, hein, c'est une espèce de sorcellerie, si on veut, c'est totalement s'égarer du point de vue de la morale dominante. Et il doit au contraire dompter ses excès, et c'est à l'occasion de ce dernier voyage qu'il le fera, parce qu'il faut qu'il apprenne à savoir mourir. Hein. On voit bien effectivement qu'il y a un retour à sa condition, et que c'est grâce à cette dernière leçon eh bien, qu'il va pleinement devenir un homme, c'est-à-dire un individu qui sait qu'il est mortel et qui va agir en conséquence. Donc sur la fin de ce dernier voyage, vu que c'est le septième, on a une vraie réflexion que Sinbad se fait, une réflexion sur lui-même. Et donc ça va nous arriver à un huitième voyage, si on peut appeler ça comme ça, oui. Puisqu'il redevient social et justement il va faire le bilan de ses voyages. Exactement, exactement. Alors bon, on a donc sept voyages et puis on a toujours un huitième, alors... On en a un huitième qui peut être extérieur au mille et une nuits. Qui est plutôt spirituel, on va dire. Oui. Si on peut dire ça comme ça. Alors ça, c'est tout à fait exact. Mais on a aussi la littérature, justement, extérieure au mille et une nuits, qui va être capable de reprendre ces thèmes des voyages pour en proposer un de plus. Qu'est-ce qui se passe avec le voyage de plus? C'était cette histoire de Sinbad dans le mille et deuxième conte d'Edgar Poe. Il y a des reprises d'ailleurs dans Tawfiq al-Hakim et dans d'autres, de suites, de continuations. Ça veut donc dire que eh bien, ce thème ne s'appartient plus. Il peut être récupéré par d'autres traditions. Et quelque part, effectivement, cela montre que les voyages de Sinbad sont d'une certaine manière immortels. En permanence, on pourra en rajouter un. C'est le petit vers de plus qu'on a également chez Deleuze dans son abécédaire. Mais il est tout à fait exact ici que eh bien, Sinbad va opérer un retour dans le monde. Ça, c'est effectivement une leçon. On avait dit finalement comment commencent les voyages de Sinbad? Par le banquet. Il ne commence que parce que Sinbad se sent obligé de se justifier vis-à-vis de son double, de ce Hinbad ou de ce Sinbad de la Terre. Il doit se justifier vis-à-vis donc d'un auditoire qu'il va payer finalement. Là, l'analogie, même si elle est totalement anachronique, avec l'analyse psychanalytique est quand même assez patente, eh bien, je fais venir quelqu'un pour qu'il m'écoute, parce que j'ai des choses à dire. J'ai des choses à dire parce que je vais partager mes expériences avec les hommes, et je vais également, quelque part, mettre à nu ma conscience, parce que ce qu'il raconte, finalement, il le raconte sans embâge, il le raconte de manière très crue. Il a commis un certain nombre de méfaits, de délits, de crimes. Ce n'est pas forcément eh bien, un récit si évident que cela à mettre en avant. Alors, il les narre sous couvert, évidemment, de l'aventure, mais c'est quand même un examen de conscience qu'il est en train de livrer. Il se justifie. Ça, c'est absolument indéniable. Et finalement, ce dernier voyage, eh bien, une fois qu'on a eu nos sept voyages, qui étaient voyages physiques, on en a un dernier qui consiste eh bien, en une relation de voyage. Il n'y aurait pas le cycle des voyages de Sinbad sans le banquet. Car c'est à l'occasion du banquet que va s'écrire finalement le dernier voyage, qui est le banquet, qui est cette rencontre entre eh bien, Sinbad et son auditoire. Et Sinbad, à la différence de Scheherazade, n'a pas de parole prisonnière, au contraire, elle est totalement libérée. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il nous livre finalement une espèce d'itinéraire, un peu comme une rehla, donc une relation de voyage. Et c'est grâce à ce dernier récit que l'ensemble du dispositif des voyages va pouvoir trouver sa clôture. Alors, si on prend la malle de les voyages de Sinbad dans l'histoire des contes des Mille et Une Nuits, c'est Scheherazade qui raconte l'histoire, et justement à la fin est tragique pour elle. Oui, alors ça, effectivement, c'est la réécriture d'Edgar Poe. Ça, c'est très intéressant parce que dans les histoires, on va dire classiques des Mille et Une Nuits, la parole à la fin de Scheherazade va permettre de rompre la malédiction. Donc de la folie de ce roi qui veut chaque nuit tuer une jeune vierge du royaume. Elle va donc être capable de libérer, après avoir été prisonnière, de libérer eh bien, toutes les jeunes filles du royaume. Chez Edgar Poe, on a le dispositif totalement inverse, où justement on a une Scheherazade qui va raconter un nouveau voyage, c'est le voyage de Troie, un nouveau voyage de Sinbad, et ce qui est intéressant dans ce huitième voyage, c'est qu'elle va, si vous vous souvenez, raconter des choses totalement vraies, mais que le roi, Shahriar, trouve totalement invraisemblables. Ce qui veut dire qu'elle est finalement prise en défaut, non pas de mentir, mais de ne pas être crédible. De raconter une histoire qui est beaucoup trop burlesque pour qu'elle soit vraie. Et surtout que finalement, qui décide ? Eh bien, c'est l'auditeur. C'est l'auditeur ou le lecteur, mais ça revient ici, on va dire, à la même chose. C'est lui qui va décider de valider ou non l'histoire. Ça n'est pas le contenu, finalement, qui vaut en soi. C'est eh bien, la réception, justement, de ces récits. Et Scheherazade perd, justement, la vie à cause de cela, à cause du conte de trop, où elle n'avait été prise qu'en défaut de dire la vérité. Ce qui est quand même, effectivement, l'ultime paradoxe pour un conteur. Eh ben, merci Sébastien. Nous avons fait le tour des 8 voyages, si on peut le dire, de Sinbad. C'est une histoire très intéressante qui remet beaucoup de choses en question, en tout cas pour Sinbad, et qui offre une très belle réflexion sur soi-même. On se retrouvera dans la malle de Sinbad pour parler d'un autre sujet. Oui. Et puis, en attendant, on va s'écouter un petit peu de musique. Parfait. Merci très beaucoup, bientôt. Sébastien. Au revoir, madame.